Trop de frères trahissent pour le pèse et se plaignent quand le boomerang sur le retour les blesse. On obtient que ce qu'on mérite, et ce même si la famille brasse. Car la route tourne sur sa stru, le pitchfork, tu t'as pas compris que le tort. Tu arrêtes de mettre tes bâtons dans les roues, faut que mon sang perdure, perdu sur un chemin obscur. Je colle sentiment de la thune, pour moi c'est foutu. Argent pas si c'est rare quand ça dure. Durant tes années, à tout prix, chercher les culs, à fumer la vie, attendant que ce système de merde t'encule. Avancer tout droit dans la vie, sans jamais prendre de recul. Car y'a pas de bien sans mal, la route tourne, j'espère que tu calcules. Finir écroué pour échouer en cellule. Alors que la veille, tu penses à tes futures vacances sur les îles, puis dormir tranquille. Bref, t'as joué ta grosse peinture, donc quand le monde avance, seul et enfermé, toi, tu recules, tu vas au culot. Et t'amasses un petit pécule, mais sale pécor. T'as mis ce michetonne et te sèche toutes tes thunes. S, la loi du talion 7, putain de roue de la fortune. Trop se dit c'est la haine, la épaisse, leur prochain sans scrupule. La route tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout ça tiré par les thunes. On tire sur nos wages et nos vies se consument. La route tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout ça tiré par les thunes. On tire sur nos wages et nos vies. Les cadavres flottent sur les côtes espagnoles. Souvenez-vous-en bien. Les cadavres flottent sur les côtes espagnoles. Souvenez-vous-en bien. La retourne, je me retourne, y'a plus personne. Le malheur, je le contourne, la chance, joue sa cochonne. Si un jour tu m'as laissé, crève ma liche. La retourne, à ton tour de taper une grosse quiche. J'oublie pas vos têtes, façon physionomiste. Crie à l'aide, lobe, ça gobe, ça communiste. Dis-toi qu'un jour les rôles s'inversent, nos larmes désaversent, nos vies. Moche comme des converses, on laisse couler de toute façon la retourne. On laisse couler pas de cadavres sans vautour autour. Aide ton prochain, pense à demain l'ami. Faut pas ton chien, tu risques d'aboyer toute ta vie. Omar m'a tué alors que j'étais encore en vie. La retourne me détourne de mes plus grands ennemis. La route de la fortune, non non, la route du bitume. Le seum m'arrache, me ronge mon amertume. La retourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout ça tiré par les thunes. On tire sur nos wesh et nos vies se consument. La retourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout ça tiré par les thunes. On tire sur nos wesh et nos vies se consument. Nos vies se consument pendant que la route assomme. Ici, c'est la hasse, on fera pas fortune. Laissons parler la rage qui est en nous. Pour moi, pour nous, pour vous. C'est Damso MIC, t'as reconnu le flow. Dangereux comme d'habitude, le push cap planqué sous le palto. Non, non, j'ai pas le temps, j'suis occupé à rien faire. Les affaires, rien que ça va et ça vient, donc autant faire. On fait ce qu'on peut, on gère. Et pas toujours ce qu'on veut, frère. C'est les affaires, c'est ce que t'as fait. On t'a pas dit qu'une roue qui tourne sud. J'ai pas le remède à tout, pense, réfléchis, faudra qu'on en cause. En attendant, j'fais du business, j'pense pour ma cause. J'irai jusqu'au bout, tant qu'il y aura pour moi du pèse. On s'y munit, s'organise, c'est la crise et c'est corsé. Pourtant, la roue fait tourner, mais la routine me saoule. Poste tout au QG, histoire cagoule. J'passe une dédicace à mairie, t'inquiète ma couille. Mais la roue tourne et on bave, j'n'oublie pas les braves, les baveux. Tous ceux qui portent leur couille le savent. La roue tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout attiré par les thunes. On tire sur nos wesh et nos vies se consument. La roue tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout attiré par les thunes. On tire sur nos wesh et nos vies se consument. Regarde-les, ces bâtards du gouvernement. Comment ils traitent les gens et ce qu'ils nous mettent dans les dents. Mais on encaisse fièrement, car dans le fond, on sait que la roue tourne. Mes frères prennent du ferme, les violeurs sont acquittés. 2008, on est encore traité comme Kunta Kinte. Puis la maternité, ils rêvent de nous niquer. Ils ne savent que paniquer quand on prend l'unité. Hypocrite, coupable d'incivilité. Mais la roue tourne, un jour ils paieront leur débilité. Je me dois de militer avec humilité. Les épreuves de la vie te poussent à méditer. Je me dois de mériter le respect des gens que j'aime. Tant que j'ai la force d'avancer, je les arrangerai. Dans le malheur, je les vengerai quand d'autres se rangeraient. Mais la roue tourne, donc mon heure, je l'attendrai. Triste victime d'une justice à deux vitesses. Ils nous crachent au visage et espèrent de la politesse en retour. Mais vu qu'on sait que la roue tourne, on encaisse fièrement. Un jour ce sera notre tour. La roue tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout ça tiré par les thunes. On tire sur nos wesh et nos vies se consument. La roue tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tout ça tiré par les thunes. On tire sur nos wesh et nos vies se consument. Ils ont voulu me tuer parce que je suis musulman. Mais je suis vivant et fier de l'être. Même s'ils ont tué de la famille, ils m'ont chassé de chez moi. Alhamdoulilah, là où tourne. Là où tourne, mais dans quel sens? Le temps avance, plus il passe, plus ses traces me mettent en transe. Depuis mon enfance, mes premières souffrances, je suis confronté à la haine, à la violence. Depuis je balance des textes de bâtard. Dans le rap, je m'installe comme un cafard. Si j'ai survécu, c'est pas par hasard. Mais malgré ça, dans ma tête, c'est le bazar. Parfois j'y crois plus, envie de lâcher. Après ce vécu, je ne peux pas le cacher. Cette vie m'a taché, trop souvent fâché. Les problèmes s'empilent, très dur à mâcher. Je garde la tête haute, protège mes côtes. Je me pose des questions et j'apprends de toutes mes fautes. Quand les nerfs montent, tout dur à calmer. Agressif, nous sommes tous prêts à calmer. Là on tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tous attirés par les thunes. On tire sur nos âges et nos vies se consument. Là on tourne, ouais, mais y'a pas de fortune. Plutôt de l'amertume qui t'attache au bitume. Arrache nos coutumes, tous attirés par les thunes. On tire sur nos âges et nos vies se consument.